Après cette propulsion amoureuse, entre la ricaneuse et la fiévreuse, je ne connais que toi, la mielleuse qui se colle à mes mots, mes discours, mon regard bleuté, ma bouche et mon corps collés, toi sur moi, presque prête, toi qui s'arrête quelques jours de passé, sans cesser d'y croire, comme moi, à mi-chemin entre le réel et notre rénalité, amoureusement, Reynald Gagné. Oh, aujourd'hui, le lundi 28 novembre 2022, monte le volume. Et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Combien sont-ils ceux qui se noient? Des hommes qui coulent, des femmes qui boivent. Combien sont-ils autour de nous? À quelques mètres, à bout de bras. Combien sont-ils? On ne sait pas. Car la noyade ne s'entend pas. Elle a lieu là, tout près de soi. Ceux qui se noient, on ne les voit pas. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Car moi, tu vois, je pense à toi, je pense à toi. Ils ont le mal, ceux qui se noient. Le mal de vivre de Barbara. On les voit rire au bar d'en bas. Mais à l'aide, ils n'appelleront pas. Et toi, ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi, ce soir, comment tu vas? Car moi, tu vois, je pense à toi, je pense à toi. Combien sont-ils ceux qui se noient? Sans même plus trop savoir pourquoi. Combien sont-ils autour de nous? À quelques mètres, à bout de bras. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Car moi tu vois, je pense à toi, je pense à toi. La la la la, la la la la. Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Car moi, tu vois, je pense à toi, je pense à toi. Bonsoir, comment ça va? C'est sur cette chanson que Julien Clerc, ouvre son spectacle de sa tournée 2022-2023. Donc, si vous allez le voir, je viens de vous voler le punch. Mais si vous êtes comme moi, curieux, curieuse, imaginez-vous que je suis allé, j'ai glané sur Internet et j'ai trouvé la liste des chansons qu'il allait faire en ordre. Et c'était comme ça, de A à Z. Et j'en ai peut-être parlé la semaine dernière. Je l'ai vu le spectacle deux fois, un samedi et un dimanche. Le samedi à 20h, j'ai eu un repas, c'était merveilleux. Et le dimanche, c'était à 14h, ou à 15h avec ma filleule. Et c'était papier-collé avec le discours qu'il faisait la veille, c'était le même. Les enchaînements, les mots, les liens étaient semblables. Vraiment, il n'a aucune improvisation là-dedans. Donc, mais ça reste quand même. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir et vous allez être surpris. Très beau spectacle. Le monsieur a 74-75 ans. Il est tout à fait en forme. Et je veux rendre hommage parce que depuis le 20 octobre 2022, donc presque un mois et des poussières, CKRL a un nouveau directeur de la programmation et musicale. Il s'appelle Jean-Sébastien Doré. Vous avez entendu parler si vous êtes branché à CKRL. Alors, je tiens à lui dire un salut. Pourquoi j'ai pris un mois? Ben, j'étais trop ému. Je ne voulais pas pleurer en ondes de joie de savoir qu'un autre allait prendre le flambeau. J'ai vécu combien de versions? J'ai eu au tout début mon ami Marjorie Champagne. Ensuite, j'ai eu Madame Beaumont, Tania Beaumont, et par la suite Jessica Leb, et maintenant, quatrième version, Jean-Sébastien Doré. Salut l'ami, je sais que tu vas très bien t'en sortir, tu m'as l'air très très ouvert et éclairé, et curieux, et c'est ce qu'il faut pour un directeur musical et surtout un directeur de la programmation. Cela étant dit, avant de partir, bien sûr, dans des improvisations absurdes, encore une petite chanson, hein? Ah oui, cette chanson-là, ben, je l'ai trouvée à Paris, oui. J'étais, quand je m'en vais manger au restaurant Luna, c'est sur la rue Clichy, l'avenue Clichy, je passe devant un endroit où un antiquaire vend plein de choses, dont des disques, des CD, des 33 tours, des DVD, des 45 tours, et je suis tombé sur ce 45 tours-là qui s'appelle, le titre est « Titi et Sylvestre ». Alors voilà. Je vous présente Titi et Sylvestre avec sa chanson. La chanson s'intitule Le Mexique. On y va. OK. Oh, ça y est, j'ai décidé. Oh oui, j'ai pu m'envoler. Ça en avait vraiment assez. D'être obligé de me casser. Adieu, Rominet. J'ai choisi un beau pays. Je me sens très bien ici. J'ai trouvé beaucoup d'amis. Et je suis le seul Titi, bonjour Mexicain. Mais où est-il mon Titi, mon serpati canari? Je suis bien seul, je m'ennuie. Mais où est-il mon Titi, mon serpati canari? Je suis bien seul, je m'ennuie. Que c'est ça, les Mexicains? Ici, il fait toujours bon. Moi, je suis souvent dans l'eau. Je suis bien, il fait chaud, vive à Mexico. Quand je pense à ma mémé et à mon vieux Rominet, ils doivent souvent s'ennuyer. J'aimerais bien les retrouver, mémé et Rominet. J'ai trouvé où est Titi, mon serpati canari. Il est bien seul, il s'ennuie. J'ai trouvé où il était. Prends ta valise, mémé, on va aller le chercher. Yep, nous voilà, bonjour Titi. Oh, c'est une hallucination. Oh ben, on est réunis. Oh, bah, tu... C'est vraiment un beau pays. C'était On est très heureux ici, avec toi, Titi, que c'est joli Mexico. C'est joli Mexico. Ici, il fait toujours bon. Il fait toujours bon. Ici, on est souvent dans l'eau. Il ne veut pas moi. Et on est bien, et il fait chaud. Viva Mexico. Mon Titi, tu es bronzé. Je t'ai enfin retrouvé. Je vais pouvoir t'attraper. J'ai envie de te croquer. Non, rien n'a changé. Oh non, rien n'a changé. Allez, viens. Viens, Titi. Je vais te croquer un peu. Je vais te croquer. Ça me disait, il y a pas un ça ici. Oh, j'ai une idée. Viens danser. Non, pas ça. Non, Mémé, refais tes valises, Mémé. Mais c'est toi qui dois appeler toi, Mémé. Viens plus près. J'ai cru voir un gros minet, là. Hein? Il y avait un gros minet. Eh bien oui, je me suis fait plaisir. Mais vraiment, c'est pas cher. C'est 1 euro, mais moi, je triche un peu. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Je me procure plusieurs CD, plusieurs disques, et je fais une offre. Et comme le monsieur qui est là et qui nous surveille, qui regarde un peu partout, puis bon, il vérifie si on vole pas des disques ou des œuvres d'art, il est toujours d'accord. Et ce coup-là, j'avais acheté exactement, c'était 1 euro chaque, des CD et tout ça. J'en avais 32 et j'ai eu tout ça pour 20 euros. Alors, c'est pas cher. Quand vous allez voir sur eBay, si vous tapez ça, là, c'est au moins 4-5 euros le 45 tours. Là. Et puis, sinon, on va déjà, hein, on va sortir, là, on va partir, puis on va arrêter d'avoir les pieds sur terre, on va faire comme Gros Minet, puis surtout Titi. Titi ne voulait plus rencontrer le Gros Minet. Sylvestre, ce poilu, cette tête qui veut simplement une seule chose, c'est se l'enfiler dans le gargoton. Ça fait penser à mon ancienne femme. Elle voulait juste enfiler mon argent dans ses poches. J'ai dit, c'est pas très, très gentil, ça. Nous travaillons en communion, ma chérie, pour pouvoir former un nid. En parlant de Titi, former, hein? On parle de Titi, on dit former un nid, hein? Comprenez-vous? Ben, on n'est pas des imbéciles, là. Comme le discours et puis l'improvisation ne va pas très rapidement, on peut suivre très facilement. Tellement facilement qu'on se croirait en 33 tours. Fait que si tu peux accélérer en 45, puis même en 78, on va te suivre. On va te suivre, on aime ça, nous, la haute vitesse. Mais bien sûr, prudemment. Puis pas sur la route. Intellectuellement. Dans la matière grise. Puis là, la matière... Récemment, on a su que la matière grise n'était plus si grise que ça. Elle était beige. Mais là, comment tout changer l'univers narratif des romanciers naguère en nourrissant d'un nouveau vocabulaire la matière beige? Ben là, c'est moins intéressant. Matière grise, là, on a entendu ça depuis notre naissance. Puis moi, je suis né lorsque ma mère m'a expulsé. Et ben oui, moi, je suis un des seuls à naître quand ma mère m'a sorti de son bedon. Ah oui, les autres, c'est pas ça. Hein? Ah non, c'est la cigogne, puis ah ouais donc, puis elle voulait pas, puis elle était fatiguée. Je parle pas de la mère, de la cigogne, parce que les mères travaillaient pas à coucher dans ce temps-là. Ils arrivaient par les airs. C'était pas des avions, j'en nommerai pas, là, mais c'était... oui, l'avion que je prends, moi, ça coûte pas cher. On est collés un sur l'autre. Et pour aujourd'hui, on s'emballe. Moi, je suis vacciné, je peux l'attraper. Et puis, si j'ai à en mourir, j'en mourrai, que veux-tu? Il faut vivre dangereusement. Vivre est un... j'allais dire un challenge, mais je pense que c'est un anglicisme. Mais c'était francisé. Non, mais c'est quand même quelque chose de mortel, la vie. Et puis, ma mère m'en va vous raconter, mais restez, mais m'en va vous raconter une petite anecdote. C'est que quand je suis né au monde, il y avait comme un regroupement là, qui était là. Il y avait le médecin, des infirmières, trois infirmières, hein, je me rappelle. Il y avait Rachel, Gaétane et Suzanne. Il y avait un infirmier, celui qui courait de tous les bords avec les serviettes, puis tout ça, les débarbouillettes, puis ah ouais, donc, puis on enlève les caillots de sang qui viennent de tomber, puis il y avait le gars d'entretien, mais lui, il passe. Parce que ma mère, elle m'a eu à 10 mois. Oui, normalement, les enfants, c'est 9 ans, hein, selon si vous regardez là, dans les grands livres, là, puis même les petits livres. Les Becherel, puis les encyclopédies Malimpus, puis Malimpus, Malimpus. Malimpus, Malimpus, Arimachi, Ramadou, Arimachou. Ça, c'est quand tu ouvres le dictionnaire. Quand tu ouvres l'encyclopédie, il y a une genre de chanson, d'ailleurs, qui nous embrasse la bouche. Et l'esprit et la matière grise qui est rendue beige. Que la connaissance presque générale descend, descend. Ah ouais? Comment ça tu l'auras dans la mémoire longtemps? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai dit que ma mère m'a eu à 10 mois. Puis que là, dans les grandes encyclopédies, on dit 9 mois. C'est-tu de ma faute? Puis quand ma mère m'a vu, on continue l'histoire. On continue. Comme disait le grand inquisiteur, continus prépus. Alors, on continue. Ma mère, c'est quand elle m'a vu, elle était très curieuse, hein? Oui, très curieuse. Et je parle d'elle au passé, parce qu'elle a très passé. Mais quand elle a vu ce garçon-là, elle s'est dit, « Ah, on va-tu laisser une société avec un être semblable? » Je pense que la mode là, ouais, c'est ça, tu sais, faire de l'abstraction qu'on dit. On dit ça, l'abstraction, Mme Gaétane? Gaétane Brisebois, abstrait, hein? Une chanson abstraite, ça se peut pas. Distraite, une chanson distraite, ah oui. Ah oui, ça, une chanson distraite, c'est comme quand tu commences, là, hein, tu sais. C'est une chanson douce. Ça, c'est distrait, hein? Le gars change de chemin, puis il marmonne, puis peut-être il peut s'en aller. Je sais pas, il s'en souvient plus, tu sais. Il est vraiment, il a la tête ailleurs. Et puis, ma mère avait pas la tête ailleurs. Elle était là, bien visée sur moi. Elle a dit, je l'ai eu en 10 mois. Je pensais que ça allait être peut-être le nouveau Jésus, tu sais, le nouvel homme, tu sais, Ecce Homo, là. Ecce Homo, le nouvel homme, tu sais, quelqu'un qui va raffermir la terre qui est molle. Et c'est mou actuellement. Ah, mon Dieu, la population, c'est mou, hein? Ah oui, les idées sont molles. Les discours ne tiennent plus. Et puis, les nouveautés intellectuelles nous caressent, mais nous entrent pas dans la tête comme à l'époque. Tu sais, les années, oh, je veux pas être... Ah non, je ne veux pas dire qu'avant c'était mieux, puis aujourd'hui c'est pire, là. Mais c'est pas loin de ça. Pardon? Oui, ma mère m'a vu à 10 mois. Ah oui, elle a dit moi. Je pensais qu'à 10 mois, j'allais réussir quelque chose, tu sais. Comme une perle d'or. Une perle, ouais, une perle, c'est pas en or, madame. Non, c'est une perle, c'est une perle. De l'or, c'est de l'or. Et puis, un jambon, c'est un jambon. Et non, j'étais pas un jambon. Je me considère pas comme... Non, mais à l'époque... Non, quand je suis né, moi, je suis né à 0 ans, moi. 0 ans, ouais. Et puis, le médecin, il était pas un grand sportif. Et puis, quand je suis sorti, moi, c'est... Pouf! Sorti comme dans une balle, tu sais, dans un fusil ou dans un canon. On va dire un canon, c'est mieux un canon. Ça représente plus le vacuum féminin lors de l'accouchement. Parce qu'il y a un vacuum, normalement, là. Si tu vas... Ah oui, sauf si tu arrives par le haut. Puis ça, c'est pas la bouche, là. Je parle des cigognes. Et les cigognes aujourd'hui, là, j'en connais plus trop. Je connais la cigogne chantante, mais elle est étourdie, Elle a fait des erreurs. Elle, parce qu'elle, elle calcule pas, hein. Elle va partout sur la planète. Fait que là, elle a un petit là, qui vient d'Afrique, puis elle s'envole, puis elle peut l'envoyer à Tombouctou. À Tombouctou, il arrive là-dessus, et le petit bébé, oh mon Dieu, c'est beau, on le garde, parce qu'il pense vraiment que c'est lui, là. Fait que là, elle prend l'autre, après ça, le suivant, puis elle de Tombouctou, puis elle l'envoie au Québec. Plus précisément à Québec. Plus précisément sur la 3e avenue, juste à côté de Sécoériel. Puis là, le petit, là, il capte plein d'ondes, dont CQRL 89.1. Puis là, ça fait un enfant tellement curieux, tellement intéressé à tout, tellement prêt à découvrir plein de choses dans sa vie. Ça commence petit, là, la curiosité. C'est pas quand t'es rendu à 30 ans. À 30 ans, là, t'es presque assis. Tu sais, t'as un emploi stable avec un peu d'argent. T'as pas trop étudié, mais comme t'es débrouillard, t'as trouvé quelque chose d'intéressant. Si l'argent rentrait pas, tu changeais d'emploi. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, mes amis, là. Ça te convient pas, change. T'en as des ouvertures. Puis des fermetures éclair aussi, mais des ouvertures. Les ouvertures avant, puis les fermetures après. Tu sais, quand tu pars dans une entreprise, ça risque de devenir une fermeture pour elle. Mais ça veut pas te garder. C'est de sa faute. Ça, c'est une petite montée de lait. Ma mère, elle n'avait pas de montée de lait parce que quand elle m'a vu, une baisse de pression manquée. C'était pas une crise cardiaque. Puis elle avait pas de voiture, donc c'est pas une crise Cadillac. Crise Cadillac. C'est une sorte de voiture. Moi, je connais rien des bagnoles, là, mais Cadillac. On va en vendre, hein? On peut s'en vendre des... Ça existe encore? C'est comme Peugeot, ça existe plus Peugeot. Renault 5, ça existe plus. On peut en parler, Renault 5. Il reste juste Renault. Renault séchant. Puis non, les gens... Non, j'ai reçu des courriels pendant... quoi? Il y a quelques mois, en me disant que j'étais dur devant Renault séchant. Mais non, quand t'aimes quelqu'un, tu veux le voir dans sa plus belle prestation, dans sa plus bonne forme. Puis même s'il est défaillant, tu veux lui dire, « Hey, champion, je crois en toi, je t'écoute encore, puis je te lâche pas. » Mais à un moment donné, mais m'arrêter sur Renault, parce que je l'ai déjà assez... Mais je l'adore. Avec ma gueule de métèque, de juif iran, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif iran, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et tout ce qui portait jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur à source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons que chaque jour, toute une éternité d'amour, nous vivrons en rire. J'ai grandi parce que ma mère voulait que... elle était tellement intimidée, pas par moi, là, par le fait que je ne sois que ça, qu'elle a essayé de me rentrer dans elle. T'sais, le médecin était parti là, fumer sa cigarette, c'était l'heure. T'sais, il était écart, puis écart, il a droit à sa pause. Puis les infirmières, ben là, ils voulaient prendre un petit jus, un petit thé, un café. Hein? Mais non, il n'y avait pas de cellulaire, heureusement, parce que sinon, il aurait appelé n'importe qui. Elle, mais moi, c'est bizarre. Hein? J'ai une mère ici, ben, ici derrière la porte. Là. Elle a couché à 10 mois. Ah, oh, mon Dieu! Là, elle est bizarre, elle a crié, elle l'a vu, puis on dirait qu'elle n'accepte pas. C'est normal, ça, mon mari? Moi, je sais pas, moi, je suis, hein, moi, non, moi, je suis serrurier. Moi, je suis serrurier, je peux pas, j'ouvre des portes, ferme des portes, et puis je change des loquettes, puis j'essaye d'ouvrir, puis on m'appelle aux petites heures du matin. J'ai cassé, j'ai cassé. Bon, ben là, moi, c'est pas une... Moi, l'amour, là, j'ai rien à... Non, j'ai cassé ma clé. Ah, OK. Et puis, ben, pouvez-vous venir? Oui, ben oui, y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça, ma chérie. Excuse-moi, là, mais comme je me suis levé en urgence, là, pendant que... On faisait la sieste. Et puis, là, le monsieur me dit, allô, puis moi, c'est sûr que aux pages, moi, je suis inscrit dans les pages jaunes en caractère gras, 24 heures sur 24, fait qu'on m'appelle n'importe quand, là, fin de semaine, 24 heures sur 24, 3 heures du matin, vas-y, je suis là. Fait que des fois, je réponds, puis je suis pas tout à fait là. Puis là, le bonhomme m'arrive, il dit, monsieur, oui, il est 3 heures du matin, j'essaie d'entrer chez moi, ça fonctionne pas, j'ai un digicode. Ah non, des nouvelles affaires qui sont sorties dans les années 90 plutôt. Le digicode, ah mon Dieu, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, là, je crée mon numéro, mais ça fonctionne pas. Ben là, c'est-tu le bon numéro? Ah, mais là, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus. J'ai pris 2-3 petites bières. Et puis après ça, on m'a invité au spectacle de Balloon Burkett. Balloon Burkett, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tire du champagne. Puis quand tu l'as, tu dois faire glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ai attrapé, j'en ai attrapé 2. Il en tire 5 dans son spectacle. C'est merveilleux. Il fait des imitations de montgolfière. Il s'en va le moment donné, puis il revient plus. Il part avec notre argent. C'est un insignifiant, mais en tout cas, moi, j'essaie de dire mon numéro de code, puis... Là, vous êtes en état. Je suis en état de vous parler. Mais là, ça va commencer à faire effet dans quelques minutes parce qu'on a fini au gros gin. Pas au petit, au gros. Pas les petits, le gros. Le gros qui, le gros? Mais le gros gin. Je connais pas. C'est qui? Ben, c'est une bouteille, là, mais c'est très fort. C'est pour ça qu'on l'appelle le gros gin. Hey, moi, je comprends bien. Ouais, vous êtes pas bourré à 40, hein? Mon gros minet, c'est pas, c'est pas. besoin de soleil, tu viens avec moi. Oh oui. Mon rouminet, mais il faudra que tu sois sage, peux-tu le jurer? Oui, oui. Mon rouminet, pourquoi me fais-tu ces yeux-là? Je n'aime pas ça. Oh oui, ça va bien nous changer. Oh oui, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Oh oui, on va bien rigoler comme des fous. Oh oui, ça va bien nous changer. Oh oui, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Oh oui, on va bien rigoler comme des fous. Mon rouminet, par toi, hein? Je vais prendre mon beurre, tu n'aimes pas ça? Ah non, mais mon petit, tu vois, je vais prendre ma bouée et je vais t'attraper. Ah, Titi, j'ai peur, je crois que je vais couler ma bouée et crever. Je vais pas rigoler, oh, je vais pas m'amuser, oh, je vais pas m'irriter. Je vais couler! Je suis bien amusé! Oh, ça veut bien rigoler! Sans cœur! Il a bien mérité, hein? Ça y est, il a coulé! Oh, oh, Minette, voilà! Je t'ai sorti de l'eau, viens vite te cesser! Mon bon Titi, merci! J'aurais dû t'écouter, mais ça m'a donné faim! Mon rouminet, vilain, j'aurais dû te laisser, je veux m'envoler. Oh, ça recommence. Oh oui, ça nous a bien sauvés. Oh oui, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oh oui, on a bien rigolé comme des fous. Oh oui, oh oui, ça nous a bien sauvés. Oh oui, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oh oui, on a bien rigolé. Oh non, non, pas ça, hein. Oh non, pas ça, hein. Tu me l'as déjà fait. Oh oui. Qu'est-ce qu'on l'a rigolé. Oh oui. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. On va recommencer. Si vous aviez été là, vous auriez vu ça. Un minet mouillé, c'est terrible. Ça lui collait pas. Quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait, vilain et gros minet? Comment? Ça recommence. Viens ici. Ne me regarde pas comme ça. Viens ici. Je me regarde comme... Au secours! Au secours! Il est toujours mal pris. Hein? Le titi est toujours mal pris. Voyons donc, au moins, lui, il peut voler. Tandis que l'autre, il est pris au sol, mais il peut grimper. C'est sûr qu'il y a des griffes. Les griffes, ça aide un peu, mais titi aussi, il y a des griffes. Quand il se tient sur le perchoir, comment il peut se tenir sur le perchoir s'il n'y a pas de griffes? Fâche-toi pas. Voyons donc, c'est une petite chanson pour enfants. Pour enfants! C'est pour adultes, voyons donc. Oh. L'autre veut manger l'autre. Le chat veut manger le titi. Non, mais le titi, lui, il veut manger le titi. Il est en titi. Puis quand il est en titi, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 semaines. Lui, j'ai le cœur qui éclate. Je voudrais seulement entendre Titi m'étendre sur l'asphalte et me laisser vomir. Un snow-night! Hey, ça serait bien d'entendre une petite chanson pour adulte, mais c'est pas une chanson pour enfant, Titi! Je le sais. Alain la montagne. Non, mais ce que je veux, c'est d'avoir une érablière. Mais là, mon érablière, j'ai comme oublié de la commander, en fait, d'appeler pour l'avoir, parce que, tu sais, elle est en vente. Mais comme j'ai peur de miser, je me dis que je suis frileux là-dessus, moi. Ah, moi, je suis frileux. Pas en hiver, mais juste pour placer un peu d'argent dans quelque chose que je peux aimer, là. Ma phrase qui m'arrive régulièrement, est-ce que je me fais avoir? Une belle érablière dans les Laurentides. Hey, les Laurentides, érablière. C'est pas juste pour moi, là. C'est que, est-ce que ces arbres-là vont me donner assez de sève pour que je puisse, à un moment donné, inviter des gens que je connais pas, qui vont venir dans mon érablière, qui vont manger mes affaires? Ben, c'est pas moi qui vais les faire. Ah, non, ah, non. Moi, je veux uniquement des spécialistes. Dans tout. Dans le fait, juste pour le montrer, puis après ça, dans la cuisine, c'est autre chose. Je vais avoir des professionnels. La cuisine, c'est des professionnels. On dit ça en français, des professionnels. Mais juste pour extirper dans un arbre qui s'appelle l'érable, le plus grand nombre de liquides de sève qu'il peut donner. Tu sais, au début, moi, je serais du genre à dire, écoute, je suis devant l'arbre. Je sais pas comment je peux en avoir, là, dans mon érablière. Ils vendent ça, comment? 250 000 piastres. Tu sais, j'en prends pas, moi. Je paye en billets. Tu sais, moi, c'est pas la caisse. On fait faire des versements. Je veux pas te faire un versement. Puis en même temps, quand je vais avoir de la sève, je veux pas te faire de déversement parce que ça coûte cher. T'sais. Fait qu'en argent liquide, c'est mieux. Puis quand mon arbre va me donner le liquide qui donne à la population en général un plaisir qui est incalculable, c'est la sève. Puis là, la sève de l'érable, faut la modifier. Quand tu y goûtes, avez-vous déjà goûté de la sève? Ouais. Non, je parle de l'érable, ouais. Non, hein? Mais essayez, allez devant. Mais moi, c'est ça que je veux faire. Là, je vais m'acheter un cheval. Là, j'ai appelé Jean-Pierre Ferland. Je dis, Jean-Pierre, toi, tu connais les chevaux. Tu connais tout, la musique, la poésie, les femmes, puis la vie. Peux-tu me dire quel cheval je pourrais me procurer pour faire des tours, tu sais, avec mes invités que je connais pas, mais que je veux leur donner un plaisir unique, pour qu'ils s'en souviennent jusqu'à la fin de leur jour. Et puis le bouche-à-oreille, c'est un lien là-dessus, le bouche-à-oreille. Quand les gens aiment ça, ils en parlent. Quand ils n'aiment pas ça, ils en parlent aussi, puis ça te détruit. Dans les deux sens, ils en parlent. Mais moi, je veux que ce soit 100%. Là. Hey, on y va. Qu'est-ce que tu disais là-dessus, là? Hey, j'ai manqué. Hey, c'était bon hein, depuis le début. Mais là, on dirait que... Ouais, c'est quoi? Il dit, madame, ouais, je vais acheter cette érablière-là. Mais on dit... Érablière. On dirait que j'ai dit quoi? Peux-tu... Attends, mais Raymond, peux-tu repasser un peu ce qu'on a lancé il y a à peu près 45 secondes? On peut plus faire ça. Ah, depuis quand? Ah, depuis que la censure est passée. Elle passe par où, elle? Elle passe par là, OK. Elle passe par... Ah, OK. Mais moi, je pensais qu'elle passait par tous. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que l'érablière doit faire plaisir à tout le monde, dont à celui qui l'a acheté. S'il fait pas une maudite scène, c'est bien beau des œuvres de chasteté, hein? Des œuvres de, en tout cas, de donner aux autres puis de pas rien récolter. Mais à un moment donné, il faut avoir des tibidous pour faire plaisir aux autres. Parce que si tu fais des tibidous, tu vas augmenter, ton chalet va être plus beau, plus gros, avec des bancs plus moelleux. La table de pique-nique, c'est pas si moelleux, mais tu peux mettre des coussins. Ça va être des coussins de haut confort. C'est comme un spectacle. Puis moi, j'avais pensé de fabriquer, de demander à quelqu'un, de faire en bois une genre de chapelle où il y aurait des spectacles. chauffer, bien sûr, chauffer, mais pas par de l'électricité. Comme à l'époque. Ben oui, attention, tu me vois venir, hein? Non, tu me vois pas, toi. T'es à la radio, puis tu me vois pas. T'es à CKRL de 89.1 à Québec, puis tu vois pas. Rapproche-toi de ta radio. Mais si t'es en voiture, continue à rouler. Rapproche-toi de rien. Mais, ferme-toi pas les yeux, mais imagine-toi. Sans te fermer les yeux, OK? Imagine-toi. Qu'on est à la radio, mais à CKRL, c'est autre chose. On peut tout voir. Tout voir. Puis surtout, ta petite boîte, là, que l'on appelle depuis tantôt la radio, il y a un écran, mais tellement minime. Fait que, rapproche-toi, tu vas me voir. Allô, me vois-tu? Allô? Non, c'est à côté du haut-parleur. T'en as deux? C'est le côté gauche, bien sûr. Pas le droit, le gauche. Bonjour, c'est moi, oui, OK. Ah! Jacqueline me voit, Rita, Solange, Nancy, Bernadette, Raymond, Serge, Luc, Joanne. Bon, tout le monde me voit. Bonjour! Pourquoi je fais ça, moi, là, ces niaiseries-là, là? C'est pas des niaiseries, c'est des explications, hein? Ouais. Ah, c'est pour dire que je veux faire un spectacle. Fait que les gens vont manger mes oreilles de Christ que les grands... Je trouvais un cuisinier. Puis j'en ai un en vue. Johnny la Bobbitte. Johnny la Bobbitte, lui, il connaît tous les produits québécois. Le ragoût. Les fèves au lard. Les oreilles de Christ. Les tourtières. Les pâtés à la viande. Et le pâté chinois. Son pâté chinois, il est à tomber par terre. Mais je vous conseille de tomber avant. Mais de vous-même, là. T'sais, mettez-vous à quatre pattes, vous tombez. Parce que si vous faites tomber, vous allez vous faire mal. J'ai cassé trois paires de lunettes là-dessus, moi. Ah, mon doux Seigneur. La barbouze en coton hydrophile. Je suis un travesti par ma papa débile. Et quand je me prends ma robe dans les rayons de ma mob, je fais un vol plané, j'atterris dans la cheminée. Ah boum, voilà, papa dodo. Papa nono tout plein de chouchou dans son site d'eau. Boum, voilà, papa dodo. J'ai des poupées gonflables et des pistolets à eau. J'ai des chaînes de vélo, des mitraillettes pour les petits gars et les bas noirs pour les nénettes. Et quand je me prends ma robe dans les rayons de ma mort, je fais un vol plané, j'atterris dans la cheminée. Ah bon, voilà, papa lolo. Papa nono tout plein de chouchou dans son six châteaux. Bon, voilà, papa lolo. J'ai des poupées gonflables et des pistolets à eau. Ah, papa lolo. En plus, si vous allez à mon érablière qui va exister dans quelques pas grand temps, je fais faire mon propre vin. J'aurai mon vin. Là, vous allez dire, le gouvernement vous autorisera pas, puis blablabla. Yeah, c'est vrai. Mais ça va être, dans l'intimité. Là. Les gens qui écouteront les races canadiennes vont venir à mon érablière et vont dire, Renan, je sais que tu vends du vin et que le vin, c'est pris selon le gouvernement, là, mais tu fais ton propre vin. Mon propre vin, tu joues un peu à l'imbécile, tu sais. Mon propre vin. Ben ouais, écoute-moi, là, je suis membre de ces querelles. Oui, ton numéro? Je vais te le dire, c'est quand toi tu as besoin. Ouais. OK. Attendez, je vais aller voir. Allez voir. Oui, oui. Oui, OK. Oui, c'est lui. Ah, OK. Oui, vous êtes membre de ces querelles? Alors, oui, tu disais que tu avais Ben oui, je fais mon propre vin. Oui, vous en voulez... Ben, j'aimerais ça avoir un litre parce que je suis avec ma femme, puis on veut se réconcilier, tu sais, établir des affaires. Renald Gagné, vous-même et vos acolytes l'ont diverti heureusement parce qu'elle était au bout du rouleau, au bout comme ça, là. Oh, j'appellerais ça peut-être un arrêt cardiaque. Et puis, grâce à toi, là, c'est incroyable. Là, moi, fait que si tu fais un vin, là, j'espère que c'est blanc. Ah non, moi, c'est du rouge. Oh mon Dieu, vous pouvez pas mettre un peu de colorant. Là. Ah non, on peut pas. Nous autres, on triche pas. Hein. On est autant. Autant qu'on peut l'être, on est autant. Authentique. Authentique. Ça, c'est des tics, mais authentique. On peut pas mentir, nous. Ma femme. Ah, mais prêtez. Où est votre femme? Ben là, si tu voulais vous y parler. Ben, j'aimerais bien ça. Parce que je vais la convaincre que le vin rouge, c'est bien meilleur que le vin blanc. Pour tous les problèmes cardiaques, les problèmes de santé, bien sûr, dans la plus pure tradition de la modération. Alors, vous l'avez ici, à côté de vous, ou sous le bras? Il n'est pas sous mon bras, il est à côté de moi. Est-ce que je peux vous la poser? Ben, passez-moi là. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes madame? Madame Chantal. Ah, mon, quel beau prénom. Merci beaucoup. Monsieur Grenier, Renald Gagné. Monsieur Grenier, merci, oui. J'adore votre émission. Je l'écoute depuis 1950. Non, c'est 1995. Ah, ben, 95? Êtes-vous certain, M. Grenier? Parce que moi, là, je suis une auditrice fidèle. Vous avez vu comme la chanson fidèle? Je suis resté fidèle. Je suis la litounelle. Le chanteur du faubourg. Non, c'est 2015. 2015, vous, c'est 2015. Mais non, c'est 2005. 2005, ah, ben voyons. C'est vrai, vous avez raison, monsieur, excusez-moi. Ben, je connais mon émission, là. Ah non, non, je ne vais pas vous froisser. Vous ne me froissez pas, au contraire. J'aimerais que vous... Vous aimeriez quoi? Ben, que vous buviez mon vin. Ah, vous faites votre... Je savais, mon mari me l'a dit. Elle a un bon vin blanc. Non, mais mon vin, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Mon vin, pas pire, hein? Mon vin est pas blanc. Maman, d'où il y a quelle couleur? Je pense pas. Non, mais il n'y a pas de. Il y a trois sortes de couleurs. Il y a blanc, il y a rouge ou il y a rosé. Et puis la vôtre, il est rouge. Ah, mon Dieu, le rouge. Ah, mon compte des banques est rouge. Son mon mari, ah, mon, il est rouge comme une tomate. Oui. Écoutez, si vous prenez mon vin rouge, vous allez être autrement. Vous allez vous changer. Votre santé risque d'être améliorée et vous aurez une compréhension autre de mon émission. Ah, mais avec modération. Mais c'est... ma devise, c'est modération. Oui, mais c'est pas du jus. Ça dépend. Vous avez un enfant? Oui, j'ai un enfant. Mais lui, ça va être du jus. Mais du jus de raisin que je fais moi-même, que je fais piler par des résineux. Hein, mes amis qui résignent le zing, qui résignent de zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing. C'est quoi ça? Ben, c'est du vin pour enfants sans alcool. Ben oui, c'est pas du jus de raisin, c'est en plein ça. On vous le dit, voyons donc. Vous êtes perspicace. Moi, je suis perspicace. Je suis piquiste, moi. Perspicace. En tout cas, je ne peux pas dire. Je suis. Donc, glaciers, mille et mer. Monsieur Clair, soyez pas si clair. Restez dans l'obscurité avant que je vous lance par la pitoune, parce que je maîtrise la pitoune. Alors oui, j'ai dans l'obscurité. C'est juste ça. Tu voulais arrêter la chanson juste pour ça. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous refuse à arrêter tout et à recommencer? Y'a rien. Bon, OK. On y va. 1, 2, 3. En avant la musique. Terminé. Charlotte. Prie notre drame. Notre drame est ici. Oui. Hôtel particulier, Serge Gainsbourg. Au 56, 7, 8, peu importe. De la rue X, si vous frappez à la porte. D'abord un coup, puis trois autres. On vous laisse entrer. Seul et parfois même accompagné. Si libre, dites que vous voulez le...